Je débute à Capella, je débite la rime, t'as capté là, je découpe Pola, c'est de la cisaille digne d'un classique de Coppola. Je viens remixer un titre, cisailler le beat comme à l'accoutumée, nettoyer le rap français depuis que tu as mis ton foutu nez. Du coup, tout est niqué, tout le monde est berné. Mais comme je le dis dans mon EP, rimera bien qui rimera le dernier. Un 998, c'était l'âge d'or. J'ai dit au rap, t'es mort ou quoi? Il m'a dit non, je t'attends pour l'instant, l'âge d'or. Mister C, dit le cisailleur, MC venu d'ailleurs. Malfamé, viens représenter la troisième lettre de l'alphabet. Écris avec un C, check le MIC, tar les MC de NYC. Les NAS, MOBB, Deep, c'était NYC. C'est LARENCE, Zidor, faut BIC. Autrement dit, de la frappe lourde dans flow comme BIG. J'enchaîne la rime en C, de façon romancée. De quoi se ramasser, mon 16 en plein nez. Et je vais passer, c'est si, si, c'est MISTER.C. Je suis C, poisseux que la reconnaissance n'a pas encore coincé. C'est quoi ce texte de baiser? Caché rien baisé, j'ai posé, posé pour que tes tympans explosent. Ah, c'est un remix, j'ai pas sucé. Sur ce, cesse de froncer les sourcils quand je reviens à la source. Soir ce, je sors ce titre, un speed de sorcier. J'ai pas de sosie, mon son-ci, je découpe le morceau si. C'est stéréo plaque qui m'a saucé. Merci mon sauce, je sens ce beat sans s'ébattre dans mon pic, ça s'ébatte. MEC, tu aimes ça sans pour autant être homosexuel. Sex, je suis un putain d'MAC. Pourquoi tu cries? J'ai même pas commencé. Comment ça? C'est juste un échauffement, histoire que t'aies une idée de commencer. Après PIC et PAC, je suis le troisième, je suis comme un C. Dans l'alphabet, c'est décidé, les faux vont décéder. Tu ne peux qu'apprécier, tu ne peux qu'être pressé. Dois-je préciser que ce freestyle est fait pour blesser? Tu peux appeler ça une tuerie, lyrique à boucher. J'ai pas percé, il semblerait que tes oreilles soient bouchées. Car je viens canner, je viens cogner, tu vas cogner. Je suis un gros mec, je fais le chromique, mais c'est chambé ce que je viens commettre. Et pour être honnête, c'est catastrophique. Si le rap était du karaté, je ferais des catastrophiques. Comme Despo, sur moi-même je me tape une queue. Pour celle-ci, j'ai pris mon flow dans la mouille de Tapinco. Bah ouais, c'est trash, c'est saga, je peux l'être aussi. Le rap game, je lui refais son portrait avec la lettre C. J'ai bien maîtrisé, je suis très matrixé. Je suis le master, appelle-moi Mister ou bien maître C.